ta vodka. Qui me reste-t-il? MIC, une sale journée en perspective. Une sale journée. Normal. À la Paris Pôle Nord, frère. Putain, ferme ta gueule. Une sale journée en perspective, car mon sommeil là déjà bien entamé. Les culs montent 14h. Flag, il serait peut-être temps de se boucher. Depuis 2 ans, je suis inactif et les journées paraissent bien courtes. J'ai passé tellement de nuits blanches, maintenant que je peux voir la nuit d'un autre jour. Je cherche du taf, mais c'est pas gagné désormais. J'écoute pas les ornées, mon sommeil vaut l'or, mec. Toujours dans mes rêves, regarde la vie, c'est pas le paradis. Ça, je baisse tellement la justice, je suis désolé si je te parais. Dis que ça, faut qu'on avance, on pèse l'instru, tous les obsédés tirent. On prêche la speed dans le rap, muni d'un verre et d'une OCB slim. C'est la bavure qui speed, qui débarque et tout ça normalement. Quand ta vodka bombe. C'est que ces rimes sont tout au normalement. J'ai pas une bonne image, mais j'ai une bonne résolution. Alors c'est percé dans le rap, alors suis bien l'évolution. Plongé dans un sommet profond, je suis sur une autre planète. Nage dans ma barre, la bouche ouverte, un son de basse dans ma tête. Quand vient le moment où je dois décoller, mon cul de ce pour affronter toute la journée le même train ennuyeux, je galère dans ma casse-car. Trop de lascar, veulent me fonce car le constat. Pas de casse-car pour le casse, t'as pas de coca. J'vous cosca, coche, m'arrête seul dans une grosse crasse. Grosse larve qui se couche tard, ne trimballe pas sa carcasse. J'me sens seul, ouais, on pas de hip-hop. Les grosses passent l'éclat pour la c'est que je au top assez. Tic, intérim, intérêt zéro. Je te le dis, si j'étais riche, je serais de la glande de haut niveau. Sorti de nos lits respectifs, c'est le début d'une sale journée. Voilà le premier objectif, en perspective faut qu'on avance. Mais dormir d'un œil, la lame sous l'oreille et ça fatigue. On se sent bien seul face au réveil qui lui s'active. Un peu trop vite à mon goût, de quoi me mettre la corde au cou. Le temps passe aussi vite que les sous. Et moi qui reste dans mon trou, j'attends tout sauf les ans. Je souffle autant que les anges, je m'entends avec les gens. Mes textes sont pas munis de légendes. Ouais, comprends, t'échanges ou prends en échange. Mon flow sur le centre, dans le fond on est simple. Dans nos profondeurs on est sans, les sangs ressent. Une sale journée de décembre, en perspective ou en cendre. En perspective ou ensemble. Une sale journée en perspective, je me pervertis. Vends la télé à imaginer que je pète.